te rencontrer un jour souriant, si fort que la terre se partage. Pendant ce temps, je soutiens simplement l'univers sur un sourcil pour que tu puisses continuer de danser sur la tombe de mes autres morts. Tu es délicieuse ainsi, toi.